franceinter.fr. Bonsoir. Cet été, dans le cadre des radioscopies de Jacques Chancel, nous avons décidé de rediffuser certaines émissions avec des invités moins connus ou totalement oubliés, mais pourtant marqueurs d'une époque, d'un climat. Et ce soir, nous vous proposons Sœur Françoise van der Merch. Le 3 octobre 1972, Jacques Chancel recevait cette religieuse qui s'était engagée contre la guerre au Vietnam, pour la libération de la femme et pour l'avortement. Cette dernière position avait bien sûr fait polémique au sein de l'Église et dans une société française où l'avortement était encore considéré comme un délit. Sœur Françoise van der Merch, vous dirigez Échange, qui est la revue du Centre international d'échanges religieux, culturels et sociaux. Mais de qui dépend ce centre ? De l'Église ? Non, d'un groupe de laïcs qui sont d'église, mais non pas de l'église hiérarchique. Cependant, en accord avec l'église hiérarchique. Du moins, nous le souhaitons. Quelle définition donnez-vous de la religieuse en 72? Ah, eh bien, c'est une femme en mutation. Une mutation très profonde, extrêmement rapide. Et nous savons ce qu'elle était. Nous savons à peine ce qu'elle est maintenant et nous ne savons pas trop ce qu'elle devient. Vous êtes, vous, ma sœur, souvent l'objet de blâme. Pourquoi ? Souvent ? Oh, j'espère que disons non. Parfois. Même parfois. Oui, oui, oui, oui. De blâme, plutôt que de blâme, sont plutôt des mises en garde parce qu'on trouve que je vais trop de l'avant. Il y a eu des blâmes, c'est vrai, et vous faites allusion à ceux dont on a parlé dernièrement dans les journaux. Mais ceux-ci ont été rares. Ils sont exprimés depuis 22 ans que je dirige la revue, quelquefois, c'était plutôt des mises en garde, habituellement. Et comme je vous le dis, parce que on pense que les positions que je prends sont trop avancées, sont pas assez prudentes. Et pour moi, il me semble qu'avec le regard que je peux poser sur le passé, sur ces 22 ans que je dirige et change, il s'est trouvé que les positions que j'avais prises, eh bien, ont été quelques années après, quelques mois ou quelques années après, acceptées et prises à peu près par tout le monde. Pendant 22 ans, vous avez assumé une vie culturelle. Est-ce que vous avez assumé votre vie religieuse ? Ah, je pense. Pour moi, les deux ne font qu'un. Et les deux sont inséparables. Et il me semble que ce que vous appelez vie culturelle, c'est vrai, vie culturelle dans un sens, mais pour moi c'est beaucoup plus large, je dirais beaucoup plus vie relationnelle, vie de communication, et c'est celle-ci qui vraiment est supportée par ma vie religieuse et en même temps qui alimente ma vie religieuse comme ma vie religieuse l'alimente. C'est une espèce d'échange. Est-il nécessaire de reconnaître une religieuse dans la rue ? Vous, par exemple, je ne pourrais pas le savoir si je vous rencontrais et si je ne vous connaissais pas. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ça dépend des cas. Vous voyez, j'ai porté pendant 30 ans le costume religieux. Ça ne m'a pas gêné du tout, bien au contraire. Ça, j'allais dire, presque trop facilité ma vie. Ma vie est bien plus difficile maintenant que je ne le porte pas. Parce que malgré tout, en France et même dans nos pays occidentaux en général, même en Afrique du Nord où j'ai été, quand on porte l'habit religieux, même près des musulmans, on est respecté immédiatement. Et puis, on a souvent même des tours de faveur. Quelques moqueries, mais en général, plus de tours de faveur que de moqueries. Et maintenant que nous avons le costume civil, nous passons dans le tas. Il semble que le costume religieux soit plutôt une barrière avec le monde qu'un lien avec le monde. Alors, la religieuse n'est pas faite, enfin, tout au moins, ma vie religieuse n'est pas faite pour être en deçà du monde. Elle est faite pour être dedans. Tout à l'heure, je vous ai dit, madame, je voulais voir votre surprise, et vous avez été surprise. Non, parce qu'on me le dit souvent, mais enfin... Que préférez-vous, ma sœur ou madame? Je préfère ma sœur. Mais ma sœur, c'est... Il y a beaucoup plus de communication, de vérité de ce que je suis, mais parce que peut-être je suis d'une génération ancienne. Et probablement que les jeunes préféreraient peut-être madame, je ne sais. Il est parfois de dire... difficile de dire ma sœur à une jeune femme habillée comme vous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut bien le comprendre. Oui, oui, oh, mais je le comprends tout à fait. Et puis, après tout, vous savez, tout ça, ce sont des appellations. Au fond, autrefois... Elles ont fait l'église. Ah, oui et non. Une petite partie. Elles ont fait l'église, l'église de ces dernières décades, de ce siècle, du début de ce siècle, du siècle dernier, non pas le début de l'église. Je pense que les premiers chrétiens, et puis même tout au long de l'histoire, à bien des époques, les chrétiens ont eu le souci d'être pleinement mêlés à la pâte humaine. Voyez. On vous reproche à la fois votre côté avant-garde et également les libertés que vous prenez avec l'Église. Oui, certainement. Avec l'Église, je pense que l'Église est le lieu, doit être le lieu de la liberté. Alors, seulement la liberté, vous comprenez, la liberté, ça se demande pas, hein. La liberté, ça se prend. Alors, que l'on reproche les prises de liberté, ça a toujours été ainsi dans toutes les sociétés. Alors, c'est à peu près, je pense que c'est à peu près normal. Mais enfin, moi, je considère qu'en étant d'église, je suis probablement bien plus libre que si j'étais dans tel ou tel autre corps social. Mais à condition que je prenne mes libertés, puis que j'en subisse les conséquences. Alors, j'en subis les conséquences en ce moment, c'est bien. On vous a blâmé, ma sœur, parce que vous avez consacré deux numéros de votre revue à l'avortement et à la sexualité. Oui. Deux sujets dont on pourrait dire qu'ils sont tabous, presque tabous. Ils étaient tabous, en tout cas. Et ils le sont encore. C'est ça, ça m'a frappé. Je ne pensais pas qu'ils étaient encore aussi tabous. Voyez-vous ? Et l'écho de ces semaines religieuses, excusez-moi de revenir là-dessus, m'a fait découvrir, si vous voulez, toute une tranche de la population, du peuple chrétien, pour qui c'était vraiment tabou. Alors, les évêques qui sont pasteurs, ou ceux qui les représentent et qui ont écrit, dans les semaines religieuses et qui ont publié une lettre de mise en garde à mon égard, se rendaient compte particulièrement des troubles d'une certaine partie de la population du peuple chrétien. Et puis, peut-être pas suffisamment de l'autre partie, voyez-vous. Et comme toujours, nous regardions chacun d'un côté différent. Mais enfin, je ne regrette pas ce que j'ai écrit. Ce serait, je pense que j'aurais pu le faire probablement de façon plus nuancée. J'aurais pu mettre non, pas du tout récuser ce que j'ai écrit. Je pense que ce que j'ai écrit, je le réécrirai ou je remettrai exactement les articles. Je leur donne à la voix aux personnes à qui j'ai demandé d'écrire des articles. Mais je ferai, voyez-vous, des chapeaux, comme on dit dans le technique. Vous protégeriez un peu ? Pas pour me protéger. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit pour me protéger que je fasse ça. Non, non. Je pense pas. Pour vous, ma sœur, le problème était simple. Il était encore très simple. C'est que tout avortement n'est pas automatiquement un crime. Et il faut avoir sa propre interprétation de la sexualité. C'était à peu près cela, en schématisant. Sûrement. Tout à fait. Et ça, je reste tout à fait dans cette pensée. Tout avortement n'est pas un crime. Autrefois, je croyais que tout avortement était un crime. Et puis, la vie, l'expérience de beaucoup de gens autour de moi m'ont manifesté qu'il me semblait extrêmement grave et injuste de dire que tout avortement est un crime. Mais comment réagissent les autres religieuses ? Eh bien, là encore, il y a de grandes diversités dans les réactions. Il y en a qui sont tout à fait de mon avis et puis qui sont très contentes que j'ai écrit cela et qui m'en remercient. Et puis d'autres, au contraire, qui me disent « Mais vous n'êtes pas fidèle à la pensée traditionnelle de l'Église, dans sa morale, parce que là, il ne s'agit pas de dogme. Et nous ne vous suivons pas, nous ne sommes pas d'accord avec vous. » Alors voyez-vous, il y a donc... Faut-il être figé dans une position traditionnelle ? Oh, sûrement pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Seulement, je crois qu'on se situe, vous voyez, sur le chemin à des niveaux différents. Moi, je suis dans un certain chemin... en contact avec une certaine catégorie de personnes, et puis d'autres sont avec des milieux peut-être plus fixistes. Et j'en ai fait la constatation l'année dernière en allant faire une tournée de conférences en France. Je suis allée dans certaines régions dans certaines provinces de France, j'étais stupéfaite de voir la mentalité du peuple chrétien, voyez, alors que à Paris, on a une autre mentalité. Je parle de mentalité, hein, je ne parle pas de la foi. La foi, c'est une autre question. Comment est-elle, cette mentalité ? Une mentalité très traditionnelle, une mentalité qui a peur des bouleversements du monde moderne, qui est très insécurisée par les bouleversements du monde et aussi même par les réformes opérées par le Concile. La religion était en quelque sorte pour eux un refuge, n'est-ce pas ? Je ne juge pas la foi là-dedans, hein, je parle du sentiment religieux, vous voyez, est un refuge. Et puis, lorsque ce refuge change fortement de couleur, de présentation, ils sont complètement désemparés. Et puis, j'allais presque dire certains même désaxés, et douloureusement. Alors là, voyez-vous, ce n'est pas du tout avec mépris que je regarde ces gens-là. Je me dis qu'ils souffrent profondément. Et peut-être la seule chose que je puis regretter là, dans ces numéros, c'est peut-être d'avoir vraiment blessé des gens, voyez, sans avoir pris suffisamment de mesures pour leur permettre de comprendre qu'il y avait quelque chose de neuf à regarder. Alors ça, la preuve en est. Je me dis, vous savez, c'est toujours l'expérience qui nous forme. Hein. Mais vous faites la preuve que l'Église n'est pas la grande famille que l'on croit. Vous la déchirez un peu plus. Ah, vous appelez ça déchirer. Moi, je n'appelle pas ça déchirer. Je pense que la vie se trouve dans les... si vous voulez appeler ça dans le déchirement, peut-être, dans les ruptures. Il n'y a pas de vie sans rupture. Il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y a pas de vie sans déchirement. Et puis le tout, c'est de les accepter. Sans interrogation. Exactement. Ça me semble être le fond de la vie. Est-ce que vous considérez comme une religieuse en marge ? Moi ? J'espère que non. On m'a toujours cru en marge. Certaines personnes m'ont cru en marge. Vous avez voulu être un peu en marge ? Moi, oh non, certes pas. J'ai pas voulu être en marge. Autrement, vous seriez tranquille dans une communauté, dans un couvent ? Je suis pas entrée pour ça. Vous êtes entrée, vous êtes devenue religieuse, pourquoi ? Pour suivre Jésus-Christ. Il n'y a rien de moins tranquille que la vie de Jésus-Christ. Mais déjà en 68, vous aviez logé les Katangais, les fameux Katangais oui, de la Sorbonne. Oui. C'est déjà une chose que l'entendait peu d'une religieuse. Là encore... Sans prendre position. Oui, mais enfin, oui, je suis tout à fait d'accord, je comprends très d'autres bien. D'autres auraient pu le faire, mais peut-être que c'est l'image de marque d'une religieuse qui est mal située. Oui, ça dépend comment on regarde la religieuse. Voyez-vous, pour moi, je pense que la religieuse est faite justement pour accueillir ceux qui sont les plus seuls et souvent les plus démunis. Pourquoi sommes-nous là ? Pour une visée plus universelle. Parce que nous avons fait le sacrifice, et moi-même, si j'ai fait le sacrifice d'une vie dans le monde, d'une famille, d'un foyer, c'est pour me consacrer à des tâches que je souhaite plus universelles. Je ne dis pas qu'elles le sont. Je ne dis pas. Ça, je n'en sais rien. C'est aux autres de juger, ce n'est pas à moi. Alors, si c'était pour, vous comprenez, rester à l'abri de tous les ennuis, j'allais dire, excusez l'expression, de tous les embêtements, ce n'est pas du tout ça la position d'une religieuse. Ça ne l'a jamais été. C'est pas, je ne pense pas. Ce sont les circonstances qui nous mènent. Je n'ai pas cherché les Katangais. Ils sont venus chez moi. Bon, chez moi, ce n'est pas chez moi. Enfin, chez moi, dans ma communauté. Et c'est bien chez moi, puisque c'est ma communauté. Mais en même temps, ce n'est pas le seul chez moi. Votre vie est plus difficile que celle d'une religieuse traditionnelle. Je pense qu'il serait plus difficile pour moi d'être une religieuse que vous appelez traditionnelle. Vous ne pourriez pas être tranquille. Ah, si, je serais très tranquille. Ce serait très confortable. Mais je pense que ça collerait absolument pas avec ma raison d'être religieuse. Vous êtes Françoise van der Merch, pour reprendre votre présentation de tout à l'heure, religieuse auxiliaire. Et là, je deviens... Auxiliatrice. Auxiliatrice. Oui, c'est un mot un peu barbare, n'est-ce pas ? Un mot du siècle dernier. Auxiliatrice. Oui. Oui. Ça veut dire qui aide. C'est une congrégation ? C'est une congrégation qui a été fondée au siècle dernier, en 1856, très exactement. Vous voudriez changer l'image de l'Église ? Non, pas du tout. Changer l'image de l'Église. Oh, j'ai absolument pas des pensées pareilles. Parce que, vous savez, si vous rencontriez les gens que je connais et mes amis, ils vous diraient bien que je n'agis pas avec des pensées comme cela, j'allais dire politiques. C'est pas du tout dans mon style. Ce sont les événements qui m'appellent. Et j'essaie de répondre aux événements. On est parti du principe que les prêtres ou les religieuses doivent aller dans le monde, doivent se mêler aux gens. Ceux qui ont une vocation comme la mienne, c'est-à-dire ce qu'on a appelé une vocation apostolique, le mot là encore est désuet, il faut probablement changer d'expression. Ceux-là, oui, bien sûr, mais il y en a d'autres qui ont une vie contemplative, c'est-à-dire une vie de prière et d'union avec Dieu, je les respecte profondément. Ce n'est pas ma voix, mais c'est une voix que j'apprécie beaucoup. Aimer les autres, Oui. Ça se passe comment? Ah, ça se passe comment? Bon, c'est ça, justement, toute la question, et du christianisme, et de la vie religieuse, et de la vie humaine tout court. Hein. Alors, ça se passe pas sans déchirement, justement, aimer les autres. Je pense que vous le savez, je pense que tout le monde le sait. Tous ceux qui ont fait l'expérience d'aimer savent bien que ça ne se passe pas sans déchirement. Depuis quand êtes-vous religieuse, ma sœur? Depuis 1937. C'est vieux, vous voyez. Une vocation? Une vocation, oui. Oui. Dès le départ, vous le saviez? Non, non, non. J'y ai pensé à l'âge de 12 ans. Et puis, dans un élan d'enthousiasme, j'ai accepté cette pensée. Et puis, quelques mois après, je me suis repenti profondément d'avoir donné une acceptation intérieure à cette pensée. Et puis, à l'âge de 18 ans, la pensée m'est revenue plus que la pensée. La conviction que j'étais appelée à mener ce genre de vie. J'ai choisi la vie religieuse pour mener une vie que je voudrais évangélique, qui ne l'est pas, bien sûr, parce qu'il y a toujours une marge formidable entre nos désirs et puis la réalisation de ceci. Alors, c'est ça qui m'a attirée vers la vie religieuse. Je me suis dit que chrétien dans le monde, c'était très bon, mais que pour moi, ça me semblait guère possible, que j'aurais beaucoup de peine à vivre ce christianisme dans le monde et que de toute façon, il me semblait un peu frelaté, la façon dont il était vécu dans le monde. Alors, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, ben, où est-il le moins frelaté? Où l'évangile est-il vécu le plus totalement, le plus radicalement? Il m'a semblé que c'était dans la vie religieuse. Alors, j'ai bien vu que c'était pas parfait, surtout que je connaissais les religieuses. J'en ai assez dans ma famille pour savoir ce que c'est. Et j'en avais eu assez autour de moi dans ma jeunesse pour savoir ce que c'était, pour bien en connaître les qualités et les défauts. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, c'est là, tout de même, que se vit davantage l'évangile. Alors, bon, j'ai fait le saut. Enfin, un jour, vous avez décidé, ma sœur, d'enlever le voile. Oui. Et cela s'est passé... Oui. C'était en mai 68. Très vite, alors qu'elle a été... Comment vous êtes-vous retrouvée devant la glace? Ça m'a fait une très drôle d'expression, très drôle d'impression, en effet, parce que quand on a vécu, pensez, c'était depuis 1930... Non, en 1937, puisque quand je suis entrée, quand on était postulante, on n'avait pas le costume religieux. C'était pire. On avait un costume invraisemblable, qui était un costume civil extravagant. Alors donc, depuis 1937, vous voyez, jusqu'en 68. Et en 68, au début des événements de mai 68, j'ai été plusieurs fois à la Sorbonne, parce que les étudiants m'y avaient appelé. J'y ai été en costume religieux. Puis j'ai vu que cela faisait sensation. Non pas près des étudiants, qui ça leur était bien égal, vous savez, ils ne s'occupent pas de choses pareilles. Mais c'était tous les touristes qui étaient à la Sorbonne. Il y en avait beaucoup. Et Dieu sait. Et Dieu sait. Alors, que de fois, lors de mes premières entrées à la Sorbonne, j'entendais des gens dire « Oh, une religieuse à nard. Voilà une religieuse à nard. » Bon, alors je me suis dit « Bon, ça suffit, c'est pas la peine d'exciter la population pour des choses aussi ridicules. » Alors je me suis mis en civil, passagèrement. Et puis les étudiants m'ont dit « Bon, pourquoi ne pas rester en civil? Vous êtes beaucoup plus proche de nous. Au fond, on parle beaucoup plus librement. » Et on se trouve beaucoup plus en vérité que lorsqu'il y a ce costume religieux qui crée une barrière. Alors, comme plusieurs des sœurs de ma congrégation l'avaient déjà pris, le costume civil, et comme je vous le disais, dans ma congrégation, à l'origine, il n'y avait pas de costume religieux. La fondatrice souhaitait que nous n'en ayons pas. Après ça, nous en avons pris pour nous conformer au mode du temps. Et puis, j'ai toujours connu, moi, tout au long de ma vie religieuse, des sœurs qui n'avaient pas le costume religieux dans ma congrégation. Toujours. En civil, vous êtes devenue coquette? Devenue, je pense que je l'ai toujours été. Une sœur est coquette? Ah non, ça dépend des gens, ça dépend des femmes, ça dépend. Bon, les religieuses sont des femmes, alors il y a des femmes qui sont coquettes, il y en a qui ne le sont pas. Je pense que ça fait partie de la femme. Comment trouvez-vous la vie des religieuses? Ah, je pense qu'il y en a qui sont bien, puis je pense qu'il y en a qui sont, je vous le disais tout à l'heure, extravagants. Faut-il toujours rester aussi mystérieux sous les voiles? Je pense à celles qui ont gardé leur habit et qui ne voudront jamais l'abandonner. Vous en connaissez une, nous la connaissons ensemble, il s'agit de Mère Marie-Yvonne. Oui, oui, oui, oui. Elle ne consentira jamais. Oui, mais je respecte ça très profondément et je ne juge pas. D'ailleurs, elle n'a pas la même vocation que la mienne, elle a la même vocation religieuse fondamentale, mais elle n'est pas insérée dans le même milieu. C'est une contemplative, une cloîtrée. Alors que je pense que toute religieuse est contemplative, mais moi je ne suis pas cloîtrée, je suis faite pour être dans le monde. Un jour, vous étiez... en habit. Le lendemain, vous étiez en civil. Oui. Est-ce que vous êtes devenue Et puis, je me remettais sur le lendemain en habit, puis encore le troisième jour en civil, puis le cinquième jour en civil. Oui, mais est-ce que vous êtes sortie alors, différente petit guignol, différente, moi, personnellement oui. Oh non, pas du tout. Vous n'avez jamais changé? Ah non, je crois pas. Oh non, ça va, non. Simplement, si vous voulez, au début, ne serait-ce que de ne pas avoir ces longues robes, rien que dans la rue, on est un peu étonné, tout simplement. Enfin, dire pas à l'aise, c'est pas ça, mais j'avais mis tellement longtemps l'habit que j'étais un petit peu étonné, si vous voulez, de me retrouver en civil. Je crois pas que ça m'ait changé du tout. Dans la rue, on vous regardait plus ou moins? J'ai même pas fait attention à ça. Ça, j'en sais rien du tout. Je crois plutôt moins, parce qu'en général, on regarde davantage quand il y a un habit. Nous parlions des sœurs cloîtrées. Vous comprenez oui. leur vie? Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle est dure, aussi dure que la vôtre. Oh, c'est pas la même chose. On dit toujours une vie religieuse, c'est une vie dure. Je pense que... Non, puisqu'elle a été choisie. C'est ça, exactement. Mais enfin. Oui, mais toute vie choisie, justement, est dure dans la mesure où on reste fidèle, on essaie de rester fidèle à son choix. Alors, c'est aussi vrai, je pense, êtes-vous pour restée vous, pour fidèle, la vie du monde. Ma sœur, à votre choix? Oh bien, il faut sans cesse réajuster, mais fondamentalement, je pense que oui. Fondamentalement. Votre Dieu est-il le même que celui des sœurs cloîtrées? Oui, sûrement. Enfin, vous savez, alors là, si vous entrez sur ce terrain... C'est terrain important. Ah, c'est le terrain essentiel, Dieu. Je suis bien d'accord. Mais alors, si nous voulions faire l'étude... Qui est Dieu pour chacun d'entre nous? Dieu, je me dis, je ne l'ai pas vu, n'est-ce pas? Les sœurs cloîtrées non plus. J'espère, du moins. J'espère pour elles. Je pense que ce serait très dangereux qu'elles l'aient vu. Mais je pense... Si c'est très dire, dangereux aussi de parler comme vous le faites. Ah, peut-être. Vous voyez, quand je dis ça, bon, quand je dis très dangereux qu'elles l'aient vu, je pense qu'il y a certains faux mysticismes que je pense très dangereux. J'ai encore vu très, très récemment... quelqu'un qui était entré dans la vie cloîtrée, qui en est sorti justement à cause de ce faux mysticisme, vous voyez, et je pense ça très grave. Je crois ça très grave. Alors je crois que Dieu, bon, je crois en Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Alors ça, j'y crois, absolument. Et ça, je pense que c'est la même foi que celle des religieuses cloîtrées. Alors, le sentiment religieux, là, il est très différent selon les gens. Ma sœur, pourriez-vous vous marier ? Ah non, puisque j'ai choisi la vie religieuse et que la vie religieuse implique le célibat. Jusqu'ici. Mais, jusqu'ici. Oui, parce que vous me posiez une question tout à l'heure en me demandant justement ce qu'est la religieuse, ce qu'elle était, ce qu'elle deviendra. Et comment elle va évoluer. Oui. Alors, la vie religieuse, n'est-ce pas, pour moi, après toute une évolution, le point où j'en suis maintenant, je pense que la vie religieuse, c'est la vie chrétienne. Vécu avec un certain radicalisme. Je ne dis pas que les laïcs ne le vivent pas de façon radicale. Je pense que oui, mais d'une autre manière. Une certaine radicalité se vit dans une certaine forme dans la vie religieuse. Telle que celle-ci a été conçue par l'Église institutionnelle et aussi par le génie des créateurs des ordres religieux, elle a été conçue dans le célibat. Dire que dans l'avenir, il n'y aura pas de vie religieuse avec des personnes mariées. Ça, je ne peux pas le dire, peut-être que oui, voyez. Parce qu'après tout, nous sommes là au bord d'un nouvel univers. Vous faisiez tout à l'heure allusion au numéro d'échange sur la sexualité. On ne connaît pas grand-chose de la sexualité. On la vit, on en a l'expérience, pour chacun différent. Et maintenant, elle commence à devenir enfin, le béaba d'une science. Mais le béaba. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire et comment va se découvrir l'homme? Et comment découvrirons-nous que l'homme réalisera sa plénitude? À travers une meilleure connaissance de la sexualité. Il est désespérant, l'homme? Oh non, pas du tout. Oh non, je trouve ça passionnant et je trouve ça plein d'espoir, plein de risques, dangereux, si vous voulez, parce que nous sommes justement à une époque de mutation de l'homme, je pense. Alors, c'est pour ça que ça me semble dangereux. Dans des périodes tranquilles, n'est-ce pas, bon, on sait à peu près où on met les pieds. Le chemin est tracé. À l'heure actuelle, toutes sortes de choses ont remis en question l'homme, les sciences humaines, le nouveau regard que nous avons sur la foi, la foi est la même, mais nous avons un nouveau regard et nous avons de nouveaux moyens de comment déchiffrer le sentiment religieux. Comment faut-il la regarder cette foi ? Avec vos yeux ou avec ceux des autres ? Je pense que la foi est un patrimoine que nous partageons tous ensemble, qui n'est pas seulement personnel. C'est à la fois personnel et à la fois universel, si vous voulez, dans la mesure où une foi, enfin notre foi chrétienne en tout cas, ma foi chrétienne, je la partage avec beaucoup d'autres. Comme le dit le mot, la foi, c'est pas quelque chose de clair. C'est quelque chose de solide, mais qui n'est pas clair, et que nous cherchons à tâtons, dans la nuit, voyez. Vous allez souvent à la messe, ma sœur ? Oui. Oui, parce que l'Eucharistie a été centrale dans ma vie, je dis « a été », parce que, là encore, je crois qu'il y a des remises en question auxquelles nous pousse toute la vie chrétienne d'aujourd'hui, qui font penser qu'on a peut-être donné une importance capital à l'Eucharistie que sentimentalement et que dans ma foi je suis tentée à lui donner, mais je me dis que peut-être j'ai à envisager aussi d'autres expressions de la foi. Je vous pose cette question, je vous demande si vous allez à la messe parce que ceux qui sont tentés de vous blâmer parce que vous avez parlé de l'avortement avec beaucoup de liberté, de la sexualité avec encore plus de liberté, pourraient penser que vous avez tout oublié de votre vie religieuse, car le sectarisme est tel dans nos pays. C'est vrai, vous le dites. C'est terrible. Et je vais de temps en temps en Amérique, aux États-Unis et au Québec, plus fréquemment au Québec, et il n'y a pas le sectarisme qu'il y a chez nous. Peut-être parce que nous sommes latins. Je ne sais, mais c'est vrai. Ça, vraiment, on est terriblement sectaires et de plus en plus. On est sectaires, enfin, mais à partir du moment où on comprend, où on fait tout pour nous faire comprendre, nous comprenons quand même. Oui, oui. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'explications. Comment donner des explications quand tout change, voyez-vous ? Je pense que nous sommes dans une période de transformation extrêmement profonde. Et c'est bien ça qui insécurise les gens. Et c'est pour ça, je crois, qu'il y a un renouveau du sectarisme. En définitive, c'est une sorte de protection contre des risques qu'on ne veut pas prendre, pas par mauvaise volonté, qu'on croit ne pas devoir prendre. Et alors là, ben je ne sais pas ce que sera l'avenir. Si l'avenir me donne tort, eh bien c'est tout, je reconnais que j'ai tort. Et puis, je pense qu'il faut savoir risquer. Et puis au contraire, ceux qui sont restés dans des positions traditionnelles, eh bien, si ce sont eux qui ont raison, ben, tant mieux. Je pense que vous comprenez, il n'est pas question d'avoir tort ou raison. Il est question d'essayer de chercher. Vous le disiez tout à l'heure, de chercher à aimer les hommes. Et en réalité, c'est ça le vrai sens de la vie. Et à chercher la vérité. La religieuse que vous êtes pourrait militer dans le sein d'un parti politique ? Oui, autrefois pas. Maintenant, oui. Oui, oui. C'est sa raison ? Si c'est sa raison. Oh, ce n'est pas la raison de la vie religieuse, bien sûr. Mais maintenant, je pense que les options politiques sont tellement importantes et tellement liées aux options vitales qu'on ne peut pas séparer une option religieuse d'une option politique. Elle l'est de toute manière, même si on ne le sait pas, voyez-vous. Alors, pour certains, c'est exprimé. Pour d'autres, ils ne le savent pas. Mais en réalité, ne serait-ce que vivre une vie religieuse est une option politique, je pense. Alors, ça, ce n'est pas militer dans un parti, bien sûr. Et moi, jamais, je n'aurais pensé militer dans un parti autrefois. Vous le faites maintenant ? Non, je ne milite pas. Parce que je n'ai pas de formation politique. Et je pense que pour militer dans un parti, il faut une formation politique. Mais du train où vont les choses, je serais peut-être amené à le faire, voyez. De toute façon, j'ai des options politiques par le fait que je suis citoyenne et que j'ai française. Et que vous votez. Et que je vote. Il fut une époque où on disait que on faisait voter les religieuses comme on le voulait. Oui, c'est vrai. Oui, parce que nous étions si peu informés, voyez-vous, de ce qui se passait à l'extérieur, que nous demandions à telle ou telle personne de notre connaissance des informations. Et puis nous les prenions pour argent comptant, comme du pain béni. Et puis, on votait ainsi. Pas par pression, vous voyez, qu'il y ait eu des pressions, il y en a partout, hein. Il y en a, pardonnez-moi, dans cette maison. Il y en a un peu partout dans le monde. Partout où il y a liberté. Dans n'importe quelle société. Partout où il y a liberté, exactement. Bon. Et donc aussi, aussi dans la vie religieuse. Mais la pression, ce n'est pas comme ça qu'elle s'exerçait, voyez-vous. C'est plutôt par manque de formation. Alors, nous avions quelques personnes bien intentionnées qui venaient nous informer pieusement des personnes et des partis pour lesquels il fallait voter. Enfin, vous êtes, sœur Françoise van der Merch, de celles qui pensent que les religieuses doivent être des femmes à part entière. Ah oui. Ah, bien sûr. Elles ne peuvent pas être femmes à part entière, de toute manière. Pourquoi ? Parce que... Il y a toujours ce vœu. Le vœu de célibat, vous pensez que le vœu de chasteté empêche d'être une femme à part entière ? Moi, je ne pense pas. Non, je pose la question. Ah oui, oui, oui. Ben, la question reste posée, je me la pose aussi, remarquez. Alors, je me dis quelquefois, je suis peut-être pas une femme à part entière. Peut-être. Bon, ben, est-ce qu'une femme mariée est une femme à part entière ? Nous allons prendre une pause musicale, ce sera la seule, car nous avons beaucoup parlé, il est presque moins le quart. Vous avez choisi Edith Piaf. Oui. C'est tambour à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est tambour à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. Hello boy, you come with me, amigo, te quiero mucho. Liebling, komm doch mit mir. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, quand les nuages vont à pas lents, comme s'en vont les lourds chalands, le long des quais crevant d'ennui. C'est à Hambourg ou bien ailleurs, qu'à tous les gars en mal d'amour, qu'à tous les gars depuis toujours, moi, je balance du rêve en plein cœur. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, qu'il a posé ses mains sur moi et qu'il m'a fait crier de joie en me serrant fort contre lui. M'a dit, je t'aime à plus finir, laisse donc là tous tes marins, laisse donc la mer et puis viens, moi j'ai du bonheur à t'offrir. Ma petite gueule, c'est à Hambourg, au ciel de pluie, dans les bastringues matelots, que je trimballe encore ma peau, les bras ouverts à l'infini. Car moi je suis comme la mer, j'ai le cœur trop grand pour un seul gars, j'ai le cœur trop grand et c'est pour ça. J'écris l'amour sur toute la terre. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. So long boy, adios amigo, nachher Schatz. Au revoir petite gueule. Pour ceux qui prendraient l'émission maintenant, je rappelle que mon invité aujourd'hui est sœur Françoise van der Merch. J'avais reçu il y a 2 ans Mère Marie-Yvonne. Aujourd'hui, je trouve une religieuse. Elles sont amies, mais elles sont très différentes. Vous avez peut-être pas tellement différentes, dans le fond. C'est votre vie qui est différente. C'est ça. Vous avez choisi Edith Piaf. Et est-ce pour cette phrase, lorsque Piaf dit « J'ai le cœur trop grand pour un seul gars ». Oui, oui. C'est justement ça. Je pense parce que vous faisiez allusion tout à l'heure à être femme et vous me disiez une religieuse n'est pas femme à part entière et je dis pourquoi. Et je ne pense pas que ce soit Le fait de ne pas être mariée qui empêche d'être femme à part entière, ce qui fait un homme, je prends au sens général du terme, homme ou femme, hein, c'est la qualité humaine de l'être, et donc les qualités de cœur, je pense, particulièrement. Alors, il y a une double vocation chez vous. Oui. Vous êtes religieuse, mais vous êtes également journaliste. On finirait par croire que maintenant, et les religieuses, et les prêtres, doivent avoir un métier. Le premier étant considéré comme une passion. Oui. Ceci a été vrai pour les religieuses, je crois, beaucoup plus que pour les prêtres. Et dans un sens, nous avons eu plus de facilité qu'eux à nous insérer dans la vie moderne, parce que nous avons presque toujours eu une profession, vous voyez. Alors, bon, j'ai celle de journaliste bien, bien modeste, parce que je n'ai fait aucune étude, je fais ça au pifomètre. Alors c'est vrai, c'est celle-là, je ne l'ai pas choisie, ce sont mes supérieurs qui me l'ont demandé, et puis pour le moment j'y reste. Il est vrai qu'actuellement elles ne me l'ont pas demandé et qu'elles me laissent libre de la garder ou de ne pas la garder. Je suis embarquée dans cette galère, et je pense que dans cette galère il y a pas mal de choses à faire, c'est pour ça que j'y reste. Mais ceci est inséparable de ma vocation religieuse. Et je pense que si j'étais pas religieuse, est-ce que je serais journaliste ? Non, ça me donnerait bien trop d'emmerdes. Que seriez-vous ? Je serais mère de famille. Vous y avez pensé ? Ah oui, je comprends. Cela vous manque, un foyer ? Ah oui, certes. Et des enfants. Et un mari. Selon les âges de la vie, c'est tel ou tel aspect. Pas tel et tel aspect, telle et telle réalité qui manque le plus. Enfin, il y a des étapes dans une vie. Vous avez porté très longtemps l'habit. Oui. Ensuite, vous êtes entrée dans le civil tout en restant religieuse. Est-ce que vous pourriez, je pense, à ces quelques blâmes de ces quelques évêques, est-ce que vous pourriez abandonner la religion, la qualité de religieuse, pardon. Non pas abandonner votre foi. Oui. Ne plus être religieuse. Ne plus être religieuse, oui, je le pourrais. Je ne pense pas que je le ferais, vous voyez, parce que pour moi, c'est viscéral. Je crois à ma vocation, je pense pas à une vocation qui tombe comme ça du ciel, hein, ça se fabrique tous les jours, une vocation. C'est à ça que je crois. Bon, alors maintenant, c'est plus difficile qu'à bien d'autres époques de ma vie. Ah, il y a des époques où ça a été plus difficile que maintenant, oui, au début. Et maintenant, c'est plus difficile qu'à bien d'autres époques, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas pour ça qu'il faut t'abandonner. Au contraire, je pense qu'il y a quelque chose à créer. Tous les enfants que vous rencontrez ne remplaceront jamais un enfant qui pourrait être à vous. Je peux pas savoir, puisque j'en ai pas à moi. Mais je sais bien que ceux qui passent, eh bien, ils passent. Et remarquez, dans la vie des ménages et des parents, les enfants passent aussi. Mais c'est d'une autre manière. Mais enfin, j'ai eu la chance, au long de ma vie aussi, d'avoir eu des relations avec tellement de gens que j'ai eu, et tout au début de ma vie religieuse, je m'occupais beaucoup d'enfants. Et encore maintenant, j'en ai qui passent dans ma vie. Des jeunes dont je me suis occupée autrefois, qui sont mariés, qui ont des enfants. Alors, je les vois, ils sont très proches de moi. Comment faut-il les éduquer, les enfants, avec cette liberté que vous avez ? Ah, je pense. Oh, sûrement. À quel âge ? Oh, dès le début. On peut leur parler d'avortement, de sexualité, dès le début ? Pas l'avortement, bien sûr. Maintenant, s'ils posent des questions, vous comprenez, il faut savoir comment répondre. Je crois qu'il faut éduquer les enfants, aussi petits qu'ils soient, à la vérité, tout simplement. Et leur permettre de porter cette vérité, parce qu'elle est lourde à porter, la vérité, hein. Elle est grande aussi. Alors, c'est ça l'éducation. Hein, c'est d'essayer d'être vrai, et d'essayer d'être vrai sans lâcher l'amour des autres et de soi, et en même temps, ne pas faire peser ni sur soi ni sur les autres des charges qu'on ne peut pas porter. Ça, c'est le bon sens. Ça ne court pas les rues. C'est la grande Sainte Thérèse d'Avila qui disait ça déjà. On peut être encore d'une belle sainteté dans ce XXe siècle ? Oh oui, je connais, je vous assure. Il y a des saints ? Ah oui. Des saints en puissance ? Non, tout court. Qu'est-ce qu'on appelle un saint ? Les saints ne sont pas des gens qui n'ont pas de défauts, qui ne font pas de péché, pour employer un mot que je n'aime pas du tout, parce que je n'aime pas le mot péché. Mais enfin, c'est pas ça. Les saints sont des hommes qui assument leur vie en essayant d'ajuster cette vie à la visée de Dieu. Vous voyez ? au plan de Dieu, le mot plan n'est peut-être pas très bon, hein. Ça c'est dans mon jargon religieux. Bon, mais à la visée de Dieu, tout le temps essayer de s'ajuster. Et qu'est-ce qui nous donne le sens de cet ajustement, c'est Jésus-Christ. Ma sœur, votre vie, elle aurait été complète, totale? Ah oui, je peux dire que si je devais mourir là en sortant de chez vous, en passant à travers le passage clouté, en étant renversé par une auto, ben, je peux dire que je ne regretterais pas ma vie. Je pense que je regretterais de mourir, parce que tout le monde regrette de mourir, je pense. Mais je ne regretterais pas ma vie. Alors, bien sûr qu'il y a des moments où je me dis, oh, j'en ai assez, je souhaiterais que ce soit moins dur, je souhaiterais avoir telle et telle fleur sur le chemin. Il y en a beaucoup. Mais enfin, c'est tout de même rude. Mais je ne regretterais pas, sûrement pas. Lorsqu'on vous attaque, lorsqu'on vous égratigne, est-ce que vous en souffrez? Par exemple, il y a cette phrase que j'ai lue quelque part ce matin, et c'était après vos articles sur l'avortement et les sexualités. On disait, l'idéal d'une religieuse est-il de se consacrer à la sexualité? Oui, c'est ridicule. Oui, alors bien, ça me laisse très froide, vous voyez. Mais ce qui me touche très fortement, et alors ce qui m'émeut fortement, c'est ce qui vient de mes proches. Mes proches, c'est-à-dire ceux que j'ai choisis par élection. Vous voyez, ma famille, bien sûr, je ne l'ai pas choisie, mais enfin, dans ma famille, on est, grâce à Dieu, tolérant. Alors, ça, c'est une chance. Mais, disons... Dieu merci. Comment ? Dieu merci ou grâce à Dieu ? Dieu merci, grâce à Dieu, comme vous voulez. Et dans les instituts religieux, dans ma congrégation, dans l'Église, quand cela vient de ceux qui me sont donc très proches et très chers, puisque ce sont les objets de mon choix, alors ça, c'est beaucoup plus douloureux, bien sûr. C'est difficile de choisir. Oui. De choisir ses amis. Oui, oui. Mais vous n'avez pas à avoir d'amis, vous, une religieuse. Oh, ben heureusement que j'en ai, je ne tiendrais pas le coup si je n'avais pas d'amis. Mais vous devez aimer tout le monde. Ah, aimer tout le monde, et oui, bien sûr. Et je pense que c'est vrai pour tout homme d'aimer tout le monde. Mais enfin, je n'aime pas, disons, quelqu'un qui vit au camp de Chaka, comme j'aime la personne avec qui je travaille ou avec qui je vis à longueur de temps. Ça. Enfin, l'homme balbutie encore dans la découverte de son identité. Alors, quels sont les critères essentiels? C'est le goût du bonheur, le goût de la vie? Pour moi, pour être homme... Pour moi, vous voyez, c'est le critère de la vérité d'un homme, c'est de savoir aimer, de savoir s'engager, d'être libre. Moi, je crois que c'est la capacité de relation avec autrui. C'est vrai, vous avez raison. Oui. Mais ceci, je pense, inclut cette petite nomenclature que je... Mais dans votre revue, par exemple, ma sœur, lorsque vous disiez, il faut à la fois déchiffrer et démystifier l'érotisme. Oui. Lorsque vous écriviez cela ou que vous faisiez écrire cela, vous deviez penser au oui. prolongement que cela suppose. Oui, au prolongement. Je pense aussi, vous voyez, à tout ce que j'ai vu, à tout ce que j'ai entendu. Vous dites être homme, c'est avoir des relations, des communications. Et j'en ai, je pense, beaucoup. Ça, c'est une chance. Et le fait d'être en communication avec un tas de gens très différents me met en contact avec des situations de vie qui m'ouvrent, si vous voulez, à d'autres dimensions que celles qui étaient les miennes propres. Et alors, je ne peux plus regarder la réalité avec les mêmes yeux, parce que ce sont eux qui m'interpellent. Alors, je ne juge pas, je ne pose pas un jugement moral. J'essaie de regarder ce qu'il en est, puis j'essaie de comprendre. Et essayant de comprendre, j'essaie de faire comprendre. Et c'est à partir de là que je me suis dit, l'érotisme, vous comprenez, c'est un mot qu'on met à toutes les sauces. Bon, qu'est-ce que c'est que l'érotisme? Ça vient du mot héros, ça vient du mot plaisir. Le mot plaisir est quelque chose de bon. Enfin, ne pas rechercher le plaisir, c'est du masochisme. C'est détestable. Chercher le plaisir à tout prix, à n'importe quel prix, c'est aussi détestable. Vous voyez? Alors, c'est un peu à ça que je pensais. Et en essayant de détruire cette espèce de tabou qu'il y a autour du mot sexualité, j'y ai pas réussi, c'est bien clair. Parce que pourquoi la sexualité serait mauvaise? Nous sommes sexués. Je ne serais pas femme si j'étais pas sexuée. Bon, c'est fondamental. Oui, mais quel rapport établissez-vous, ma sœur, entre sexualité, amour et vie? Un rapport commun? Bien sûr, il y a un rapport commun. Maintenant, vous me posez là une question gigantesque. Hein. La sexualité, bon, c'est ce qui va nous différencier, bon, êtres humains, hommes, femmes. Bon. Ces êtres humains, bien sûr, ne prennent vie qu'à travers, souhaitons-le, un amour. Hein. Et c'est malheureusement ça le drame, c'est qu'il y a bien des êtres humains qui prennent vie dans cette humanité sans être appelés par l'amour. Ça, je pense que c'est dramatique et qu'ils en portent la marque toute leur vie et qu'il faut beaucoup de temps pour réparer ça. Que ça peut se réparer, qu'il faut beaucoup de temps. Oui. Ma sœur, est-ce que vous pourriez vivre aujourd'hui dans un couvent ? Mais je vis dans un... Enfin, dans oui, un couvent. Dans une communauté. Oui, dans non, une je veux communauté. Dire, Et un couvent cloîtré, vous oui. voulez dire ? Ah non, je pense pas. Plus capable de faire des vœux. Ah si, mais j'ai fait des vœux, je les garde. Mais un couvent cloîtré, derrière des grilles, jamais. Mais ça veut... De toute façon, j'apprécie beaucoup les religieuses cloîtrées, mais les grilles, je trouve que c'est d'un autre âge. Ça n'est pas le droit à une vie humaine. Bon, c'est pas ça, c'est parce que c'est ridicule, vous comprenez, je trouve. Vous comprenez, les grilles ont été forgées à une époque où il fallait que les femmes se défendent contre les agressions masculines. Alors c'est vrai en certaines régions du monde encore aujourd'hui, mais pas en France, Seigneur, vous comprenez. Beaucoup de religieuses peuvent vous écouter en ce moment et qui sont cloîtrées. Ah oui. Elles peuvent être surprises. Oui. Parce que c'est une vue de la vie que vous leur donnez. Oui. Et du monde qu'elles ne connaissent pas. Oui, oui. Mais elles ne peuvent pas être atteintes. Peut-être atteinte, et peut-être que j'aurai, après cette émission, des lettres qui me diront leur peine de ce que j'ai dit. Mais je respecte leur pensée. Moi, vous me demandez la mienne, je vous exprime la mienne. Et je vois aussi les ravages, voyez-vous, que font parmi des jeunes que je me suis occupée de vocation pendant 25 ans, et encore maintenant, d'orientation de vocation. Je vois les ravages que font des formes de vie de ce genre-là, voyez-vous. Non pas la réalité profonde de la vie contemplative, de la vie cloîtrée, je la vénère. Mais des formes désuètes, voyez-vous, qui brisent un être. Alors ça, je ne peux pas l'accepter. Pourtant, c'est la liberté, tout le monde est libre, tout le monde a fait un choix. Oh, oui, je dis je ne peux pas l'accepter, je ne les empêche pas d'y aller, bien sûr, et je me garde bien de dire quoi que ce soit quand on me dit ça. Comprendre, c'est déjà aimer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.